Laurent Gotland, l'empoisonneur, par Georges Grison. Chapitre 1er. Il est des contrées privilégiées auxquelles l'enthousiasme d'un touriste fait une renommée, et que nous admirons de confiance, même sans les connaître autrement que par les récits des guides ou les aquarelles des albums. Il en est d'autres aussi, au milieu desquels nous passons indifférents, sans songer à jeter un regard sur leur pittoresque beauté, attendant qu'un poète nous les ait révélés ou qu'un peintre nous les ait fait connaître. De ce nombre est cette délicieuse vallée que baigne la Charente, ce petit fleuve modeste, que le Vert-Galant appelait le plus beau ruisseau de son royaume. L'Angoumois, dont Balzac nous a, dans une de ses études, montré un tout petit coin, mais qu'il a délaissé ensuite pour sa chère Touraine, et que nous avons alors abandonné comme lui. Là, point de hautes montagnes, point de rochers escarpés, point de glaciers, point de torrents, mais des ruisseaux limpides qui serpentent en murmurant au milieu de larges et fertiles prairies, sur le tapis vert desquels se détache çà et là le vert plus sombre des collines boisées, le pampre rouge de la vigne ou le jaune d'or des blés. Et puis, à chaque pas, l'aboiement des chiens, le mugissement des grands bœufs, les cris des oiseaux de basse-cour, le chant mélancolique de quelques paysans qui binent la vigne, vous annonce le village qui apparaît bientôt au détour du chemin avec ses maisonnettes blanchies à la chaux et couvertes de tuiles rouges comme le corail. Du Florian tout pur en plein XIXe siècle. C'est dans l'un des plus jolis retraits de ce charmant pays que s'est passé le drame que nous nous proposons de raconter. Le 22 décembre 1849, vers 4 heures du soir, une voiture de louage s'arrêtait à la porte de l'unique auberge du petit bourg de Marton, situé à 4 lieues d'Angoulême. Deux jeunes gens vêtus de noir en descendirent. « Ces messieurs ne repartiront pas pour Angoulême ?» demanda l'aubergiste, qui s'empressait de dételer le cheval. « Il est probable que nous coucherons ici, » répondit l'un des deux voyageurs, « mais nous n'en sommes pas certains. »« Ces messieurs viennent pour affaires à Marton ?»« Non, nous allons jusqu'à Saint-Germain. » Et même, vous allez pouvoir nous renseigner. Savez-vous à quelle heure a lieu l'inhumation de la servante de M. Gotland ? L'inhumation ? S'écria l'hôte avec étonnement. Mais il y a une grande heure que tout est fini. Comment cela ? À preuve que je viens de voir M. le curé de Marton qui en revenait. Une douloureuse surprise se peignit sur le visage des deux voyageurs. Il faut qu'il y ait erreur, dit celui-ci qui n'avait pas encore parlé. Voyez, plutôt, Guichard, la lettre de monsieur le curé. » Et tirant un papier de sa poche, il le déplia et lut. « Votre pauvre mère a succombé aujourd'hui, et sa mort a eu pour cause une congestion du cerveau. Mon intention avait été de vous avertir aussitôt que la maladie a présenté quelques dangers, mais la pauvre femme ne l'a pas voulu. Et la lettre est bien datée d'aujourd'hui, 22 décembre. C'est singulier. Tenez, tout cela m'inquiète. Allons vite à Saint-Germain. » Les deux jeunes gens s'acheminèrent en toute hâte vers le bourg de Saint-Germain, distant à peine de 2 kilomètres, et allèrent frapper à la porte du presbytère. Ce fut le curé lui-même qui vint leur ouvrir. L'abbé Gotland était un jeune homme de 29 ans, petit, large d'épaules, à la tête carrée, à la bouche grande et sensuelle. Les yeux clairs, brillants, à fleur de tête, les sourcils fournis, les cils longs, les cheveux abondants et frisés avec beaucoup de soin. Il tenait à la main une pelle rougie au feu sur laquelle fumaient encore quelques grains d'encens. « Ah, vous voilà, messieurs » s'écria-t-il avec un empressement qui déguisait mal son embarras et sa contrariété à la vue des deux visiteurs. « Vous veniez pour la cérémonie ? Mon Dieu ! Vous avez sans doute appris que nous avions été forcés d'avancer l'heure de l'inhumation ?»« En effet, monsieur le curé, nous avons même été surpris, mon beau-frère et moi. »« Je le comprends, monsieur de Guizal, mais c'était indispensable. » Cette pauvre Fanny était très forte. Son cadavre était déjà en décomposition. Et tenez, vous le voyez, je m'occupais de purifier l'air et de chasser les miasmes. Les deux frères n'avaient senti aucune odeur. Nous sommes cependant partis aussitôt après avoir reçu votre lettre, dit de Guizal, et j'espérais revoir encore une fois le visage de ma pauvre mère. Pauvre femme, ah, c'est une perte douloureuse, mon pauvre enfant, que celle d'une mère. Et je comprends votre chagrin. « Mais il faut de la résignation, mon ami. Elle est plus heureuse aujourd'hui que nous. Elle a fait une fin bien chrétienne et bien édifiante. Elle est aujourd'hui auprès de Dieu. l'entrée d'un nouveau visiteur interrompit le curé. « Et tenez, dit-il, voici le docteur du Sablon qui a soigné Fanny. Il vous parlera de sa maladie. Je vous laisse avec lui. Excusez-moi, je reviens tout de suite. » Et laissant les deux beaux-frères avec le médecin, le curé sortit. La conversation s'engagea naturellement sur le seul sujet qu'elle put embrasser, les circonstances qui avaient environné la mort de la défunte. Les deux beaux-frères étaient avides de détails. « Mon Dieu, dit le médecin, vous savez comme moi de quelle corpulence était votre mère. La mauvaise habitude qu'elle avait de boire à l'excès a fini par déterminer chez une femme aussi grosse la congestion à laquelle elle a succombé. « Je ne m'étais jamais aperçu qu'elle eût ce défaut, objecta de Guizal. C'est cependant l'unique cause de sa mort, affirma M. du Sablon. Et pourtant elle était bien soignée, fit observer le curé qui rentrait sur ses paroles. Moi-même j'ai été sur pied toute la nuit pour lui donner à boire. Oui, dit le médecin, mais la malheureuse femme a constamment refusé de prendre les remèdes qui l'auraient peut-être sauvée. L'étonnement des deux beaux-frères allait croissant. Ils savaient bien, en effet, que leur mère buvait beaucoup, mais seulement dans les limites de ses besoins et sans aller à l'excès. En outre, ils la connaissaient très craintive, très douillette, se soignant à la moindre petite douleur, et voilà qu'on la leur dépeignait comme s'enivrant et refusant de suivre les prescriptions de la médecine. Pourtant, en présence de l'affirmation si précise de ceux qui avaient assisté à ces derniers instants, ils n'osèrent plus faire d'objection, et Edmond de Guizal se contenta de demander au curé s'il désirait, comme il lui en avait témoigné le désir dans sa lettre, régler de suite le compte de la défunte. M. Gotland lui répondit qu'il s'occuperait de rassembler les notes de frais causées par la maladie et qu'il lui enverrait le tout dans quelques jours. Edmond de Guizal et Guichard repartirent pour Angoulême.